Con, et je l'assume, je suis désolé, c'est comme ça, il faut prendre avec. Mais qui es-tu, Corinne? Je ne te connais pas. Oui, nous sommes de différentes contrées, mais je n'aime pas la country music. Théo, tu es français. Justin Bieber, tu es français. I speak English a little time. Je vais encore changer de voix. Voilà, comme ça. C'est le matin, je suis pas bien réveillé. Je suis un monstre. Je suis un monstre. Oui, Justin. Je suis ton père, Justin. Oh, peut-être. Je ne suis pas Darth Vader. Darth Vader. Dark. Oui. Je teste. Je suis un virus à moi tout seul. Appelez-moi virus. J'entendais pas. J'entendais pas qui me dit. Qu'est-ce qui se passe? Merci de jouer ma musique. N'allez pas tourner ma voix. Je l'ai changé. Je pense que je vais faire beaucoup mieux. On enlève ça. On n'a pas besoin de ça. Ouais. vais retourner écouter Monsieur Klaus. Monsieur Klaus a un très joli son de guitare sur le serveur 2049. À bientôt. Thank you.